dans un monde où les hommes ont perdu la notion de foi et d'amour du prochain. Je prends mon micro et détruis cet art qui met notre monde. D'amour du prochain. La haine s'est installée.